J'étais dans mon mood, ouais, j'étais dans mon monde. Tous les soirs en boîte à dépenser toutes les secondes. J'pensais qu'à faire la fête, aucune go n'était prête. Avec moi, pas de lèche-vitrine, tu veux une loulou, j'l'achète. Mais j'suis tombé sur une go, pas la plus fidèle. Avec les gars, c'était elle qui tirait les ficelles. Une bombe atomique, molotov cocktail. On a fait la guerre et j'suis tombé fou d'elle. Donc j'l'ai caché à mes potes, j'voulais pas qu'ils voient ma chute. Sans chercher à comprendre, ils l'auraient traité de pute. On boit, on se défonce, on veut se taper des cuites. On loue des suites et t'imagines la suite. Je sais qu'il y a un tas de mecs qui doivent rôder autour d'elle. Mais la go c'est une frappe, un vrai top modèle. Elle peut figer le temps quand elle passe, j'ai juré. Elle a juste quelques défauts mais je sais qu'on va me juger. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Ça y est, j'ai craqué, on prend des selfies. Comme imaginé, on me demande c'est qui. On sort en boîte à deux, on fait des folies. On fait des galipettes quand on est au lit. Me cassez pas les couilles, dans tous les cas je m'emballais. Vos discours en carton, vous pouvez les remballer. Je vais à 100 000 à l'heure, oui je kiffe mon bonnet. Quand je suis avec mon B, je suis débordé. Elle et moi on fait la peur, je suis dans mon D. Si je la laisse, je me perds. J'suis dans mon dé. Parler, y'a que ça à faire. J'suis dans mon dé. Je sais qu'on va les faire taire. J'suis dans mon dé. Je sais qu'il y a un tas de mecs qui doivent rôder autour d'elle. Mais la go c'est une frappe, un vrai top modèle. Elle peut figer le temps quand elle passe, j'ai juré. Elle a juste quelques défauts, mais je sais qu'on va me juger. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Je sais qu'il y a un tas de mecs qui doivent rôder autour d'elle. Mais la go c'est une frappe, un vrai top modèle. Elle peut figer le temps quand elle passe, j'ai juré. Elle a juste quelques défauts, mais je sais qu'on va me juger. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer. Assumer, assumer, faut assumer.